Voilà, je vous explique. J'étais un très bon danseur de disco. J'ai juste besoin d'une petite remise à niveau. Parce que voilà, je vais pas tout vous dire, mais je participe à la Gin Fizz Academy. Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans On s'écoute ça tout de suite. Il est là, il est avec moi. Il a mis son petit pantalon patte def. Coucou Noé, ça va? Ça va et toi? Ouais, parce que ça fait un mois et demi qu'on s'est pas vu. Et la photo partielle. Les partiels, il y a plein de trucs, voilà. Bref, on est bien calé au soleil. On est quasiment sur la terrasse. On a une petite bière. Voilà, il fait beau. Aujourd'hui, un épisode à thème. Un épisode à thème. D.I.S.C.O. chantait Ottawa en 1980. Vincent venait juste de fêter ses 10 ans et la disco était absolument partout. Hein. Les pattes d'Ève dont tu viens de parler, les strass. Ça avait une petite perruque avec un paint dedans. Et c'est vrai, ça. C'était la fameuse période des boules, hein, à poil ou à facettes. Chacun choisissait. La fièvre du samedi soir venait d'avoir 2 ans en 1980. C'était juste avant que l'aspirine de la New Wave vienne complètement l'effacer. Tout le monde détestait le disco à l'époque et pourtant le disco était partout. C'est un peu comme Jul en ce moment. Jul est partout, mais tout le monde déteste Jul. J'arrive pas à faire le signe. Alors aujourd'hui, hein, on s'écoute ça avec les copains, comme dirait Philippe Poutou, hein, Phil Pout, on vous propose une playlist 100% disco, certifiée sans Bee Gees et sans ABBA, histoire de s'éclater quand même un peu. Et je crois que c'est toi qui commence, Noé. Et oui, pour planter un peu le décor, définir un peu l'esprit de cet épisode, hein, je vous propose de vous imaginer, non pas en 80, mais en 82, beau, bien sapé. Et imaginez que vous sortez dans la rue, hein, direction la discothèque, hein, vous êtes au volant de votre Golf et il y a votre bloc punk qui chante à fond avec des petits dés en mousse sur le rétro. Ah bah ça c'est très important, c'est un peu la base. Et la moumoute sur le volant. Oliver Cheatham donc avec Get Down on Saturday Night, puisque ce soir on est samedi soir, on s'écoute ça tout de suite. Alors qu'on est vendredi. Where? encore une musique qui figure sur JTR. Vous savez, c'est un peu une marotte de cette émission. Vous allez finir par croire qu'on écoute que la soundtrack de chez Rockstar. Ou Love Story au début de 2001, bien sûr. Ou Love Story au début de 2001, mais ça, je m'en rappelle pas, j'étais pas né. Je vous avoue personnellement que j'ai découvert pas mal de trucs disco grâce à Fever 105, la radio de Vice City. Bon alors Oliver Cheatham, c'est un peu un One Hit Wonder, il sort en 82, Get Down on Saturday Night, énorme hit. Et puis après pas grand chose hein, à l'international du moins, puisque aux USA ça a l'air de rouler pas mal pour lui. Hein. Il place 3 titres dans le top 50 entre 82 et 90, donc ça fait rentrer un peu de pépette. On entend parler de Oliver Cheatham en 2005 avec Make Love, un remix de Get Down on Saturday Night par les Italiens de Room 5, numéro 1 en Angleterre chez eux. Voilà, c'est le genre de truc qui marche qu'en Angleterre, mais c'est marrant. En 2013, Olivier Jean Montriche nous quitte, laissant derrière lui cette chanson ultime, la chanson ultime du Before. On continue avec Rick James et son Super Freak, un morceau sorti en 81, mais qui rappellera des souvenirs à la jeunesse des années 90. On s'écoute ça tout de suite. Un morceau iconique hein, de Rick James, un sacré personnage parce que lui-même était un super freak. Et être un super freak, c'est chic. Histoire. Et oui, dans sa jeunesse, en fait, il s'enrôle dans l'armée américaine, puis il déserte. Et il se réfugie au Canada pour monter un groupe avec Neil Young, Nick Saint-Nicolas, qui était dans Steppenwolf, Born to be Wild et tout. Bruce Palmer, tu vois qui c'est ? De Keke Palmer. C'est d'un groupe qu'on connaît peut-être un peu moins, mais Buffalo Springfield. Ah bah, c'était le premier groupe de Neil Young. Voilà, exactement. Et voilà, donc une line-up pas si pourrie que ça, quoi. Ça fait un peu super groupe à l'époque, quand les gens n'étaient pas encore connus, quoi. Mais voilà, malheureusement, son contrat avec le groupe va cesser, puisqu'il va être découvert par la Motown, et entre-temps, il va passer un an par la casse-prison, parce que je te rappelle qu'il avait déserté, quand même. Voilà, il va connaître le succès, il est également connu pour ses frasques hein, dans les années 80-90, son addiction au crack hein, qui l'a poussé à kidnapper et torturer deux femmes, voilà, ça c'est pas très drôle. Entre temps, tout de même une grande carrière avec ce morceau, hein, Super Freak, un morceau sorti en 81, assez tard je trouve personnellement dans la chronologie du disco funk, hein, voilà. Noé ne sera sûrement pas d'accord. Voilà, donc, parce que à cette époque-là, voilà, les fréquentations dans les nightclubs étaient un peu en perte de vitesse. Il y a eu le sida aussi qui est apparu à l'époque. La voilà. Fête est finie. Plein de petites choses. Voilà, quelques mois plus tard aussi, fin 81, MTV arrive. Et là, il y a un litige qui s'engage. En fait, MTV diffusait que des morceaux pop-rock, mais il refusait à l'époque de diffuser des artistes noirs. Et ça en disait long sur les mentalités de l'époque. Donc voilà, il a été un petit peu mis de côté par MTV. Bref, un morceau dont la ligne de basse hein, n'est jamais morte au final, puisque 9 ans plus tard, pouf, qu'est-ce que tu me disais, Noé ? MC Hammer. Et oui, un certain MC Hammer a samplé ce morceau. You can't touch this. You can't touch this. Voilà, donc un morceau de MC Hammer, ouais, peut-être plus connu que l'original au final, même si moi je déteste ce morceau de MC Hammer, hein, personnellement. Voilà, donc ça a été samplé par This Is La Peste. Ouais, je suis un beau gosse. Ouais, ouais, c'est ça. Ça a été samplé et il y a eu des covers aussi de Billy Crawford, carrément. Ah, des... le mec à l'oreille. Ouais, il y a eu des covers des Lapins Crétins et tout, j'en passe, voilà. Et aussi au tout dernier moment, avant d'enregistrer l'émission, je me suis souvenu qu'il y a un morceau de Cake, un excellent groupe que j'adore, qui dont tu as déjà parlé ici. Exactement, un morceau de Cake qui s'appelle Meanwhile Rick James. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que est-ce qu'il parle vraiment du Rick James qu'on connaît ? J'ai fait des petites recherches et en fait, ce morceau, il a prédit assez bien ce qui va lui arriver quelques années plus tard, puisque Rick James va s'éteindre en 2004 hein, de tout un tas de problèmes de santé. Et le rapport d'autopsie conclura qu'on a trouvé dans son sang de la prozolam, du diazépam, de l'upoprion, du citalopram, de l'hydrocodone, du digoxine, de la méthamphétamine et un petit peu de cocaïne. Voilà, bref, un sacré mélange. Un homme un peu infréquentable quand même au vu de sa relation avec les femmes. Mais voilà, quand même une sacrée icône de la disco funk. Eh bah, moi je vais enchaîner avec un truc un petit peu moins connu, hein, mais extrêmement sympathique. Free Sky avec Love at First Sight. On s'écoute ça tout de suite. Ooh. to a dim lit apartment where he turned and kissed me soft and slow. And in the glow of the candlelight and wine, I began to see his mysteries unwind. When he held me in his arms, I knew he'd never let me go. Voilà qui change un peu, hein. C'est pas non plus de la musique de supermarché. Un bon morceau, ça se touche la nouille, 6 minutes sur la même note et la même ligne de basse, hein. Voilà, c'est un peu... Et ben, c'est ça qui est bon. Bon, je vais vous faire un peu la genèse du pourquoi, du comment ce morceau s'est retrouvé dans cette émission, parce que c'est vrai que ça sort un peu des canons. Ça veut dire que t'as pas grand chose à dire. Oui, ça veut dire ça. En fait, il s'avère que Love at First Sight a été samplé par Guy Emmanuel de Omen Christo, vous savez, Guyman de Daft Punk. De Daft Punk. Exactement, en fait il a un projet, un side project, hein, comme Macron un peu, tu vois, un projet, tu vois, à côté des Daft Punk, ça s'appelle le Night Club, Night avec un K, hein, vous aurez vu le trait d'esprit évident, hein. C'est très drôle. Certes. Je voulais mettre un de leurs morceaux parce que c'est un peu la French Touch et du coup ben, ça semble pas mal de disco, hein. Mais vous savez, on s'écoute ça, on a une discipline de fer, hein, et du coup j'ai pris l'original du sample plutôt que de vous mettre le morceau qui a été le morceau samplé. C'est un sample d'une de leurs super chansons qui s'appelle Chérie d'amour, un petit extrait tout de suite. très Daft Punk et toujours la même note mais en accéléré. Ouais, donc, c'est vraiment de, vraiment de la house, vraiment de la French wave. Et je trouvais ça super sympa et c'était important d'en parler parce que c'est un petit peu au final les héritiers de la disco. Et ils le revendiquent complètement et ils vont te trouver des millions de samples, surtout que ça c'est sorti avant que avant qu'au vrai gros essor d'internet. Du coup ils ont trouvé des milliers de samples de trucs inconnus, ils ont dû chercher comme des tarés. Et pour ça c'est vraiment cool. Très peu de choses à dire du coup du côté de Freesky, hein, comme vous l'aurez deviné. C'est produit par Moses Dillard et Jazz Boyce. C'est des mecs qui ont fait en fait beaucoup de trucs mais sous différents noms, mais qui sont très présents quand même dans cette scène. Donc on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Disco un peu underground. Je vous conseille quand même Moses Dillard and the Textown Display. La chanson s'appelle I've Got to Find a Way to Hide My Hurt. C'est très beau. C'est assez sympa et ça date de 1969. Donc les gars étaient déjà là en fait. Ah, elle a vachement des précurseurs. Un bon paquet. On enchaîne. C'est pas du disco, attention. Oui. C'était, voilà, mais ils ont tout fait. On enchaîne avec un de mes morceaux disco préférés. Allez, j'ose le dire. On va littéralement enflammer la piste de danse avec The Trumps Disco Inferno. On s'écoute ça tout de suite. Let's go. Alors, pour me moquer un peu de mon comparse Noé, alors j'ai pas grand chose à dire. Comment ce morceau s'est retrouvé dans On s'écoute ça tout de suite? Alors, comment j'ai découvert ce morceau? Eh ben, quand j'étais plus jeune, je regardais cette série sur la 6, Undo Stress, et en générique, une fois, il y avait ce morceau, et c'est comme ça que j'ai découvert. Voilà. Ça va, tu as beaucoup d'autodérision aussi. Voilà, donc nous sommes en 1976, et The Tramps a un groupe de disco tout droit venu de la ville de l'amour fraternel, c'est. San Francisco. Et non, c'est Philadelphie. Nous sort The Tramps, nous sort Disco Inferno, un morceau vraiment taillé au poil hein, pour les nightclubs de l'époque, hein, même si le morceau atteint la première place du Billboard américain catégorie dance, hein, forcément un morceau comme ça. Le morceau en question n'a pas vraiment si bien marché que ça, hein, il faudra attendre Saturday Night Fever et 77 pour que le morceau apparaisse dans la soundtrack du film, et à partir de là, le succès va être relancé, hein, ça restera un des seuls morceaux connus et reconnus du groupe pour autant. Voilà, et tu sais qu'un morceau disco accède à la renommée quand il commence à être samplé, tu vois. Ça, c'est un gage de succès, hein, mais également des reprises de ce morceau. Par exemple, on a une cover remarquée de Cyndi Lauper. Voilà, donc ça c'est le cover. Ça donne vraiment, vraiment envie de faire la chenille, je suis désolé. C'était une cover dégueulasse pour le film. Est-ce que tu connais ce film, A Night at the Roxbury? Eh ben, tu te rappelles des sketchs du Saturday Night Live où ils sont en boîte de nuit avec du Hadaway où ils secouent la tête comme ça? Ouais, avec Jim Carrey. C'est le film dérivé de ces sketchs. Voilà. Et donc, il y a eu des morceaux faits exprès pour ça, bien sûr. Hein. Tu te souviens d'Hadaway et tout. Alors, on a eu une cover de Cyndi Lauper un petit peu dégueulasse, mais on a aussi une cover de, de Tina Turner, hein, voilà. Comment des artistes comme ça ont pu désacraliser un aussi bon morceau que j'ai entendu de Mundo Stress? Ah, mais c'est casse-gueule, hein, c'est très casse-gueule. Voilà, donc curieusement, hein, aucune cover, j'ai écouté quasiment toutes les covers, il n'y en a aucune qui va trouver grâce à mes yeux, même pas celle de System of a Down. Hein. Quoi, System of a Down a pris ça? Ouais, ils font ça au début de certains de leurs morceaux, ils font ce morceau-là, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, ça reste un des morceaux préférés tout de même. Philadelphie, toujours, hein, ville de Tramps, du coup, hein, de l'amour fraternel. Ville de The Roots aussi, vous savez, The Roots, le backband de Jimmy Kimmel. Ça, vous voyez. Et bien sûr de Fat Larry's Band. On va s'écouter ça tout de suite avec Here Comes the Sun. Take it the day to try it out. Encore un artiste labellisé GTA. En fait, il y a sur Vice City une de leurs chansons les plus connues qui est passée là, mais qui s'appelle Act Like You Know. Si vous connaissez pas, je vous conseille fortement d'y aller parce que c'est très très groovy. Il y a une énorme basse et c'est vraiment super cool. C'est classique, hein, c'est pour ça que je me suis permis de mettre plutôt ce petit Here Come the Sun. Here Come the Sun qui figure sur leur album de 79 appelé Looking for Love. C'est marrant parce que c'est un groupe qui, comme je vous en parlais tout à l'heure avec le premier groupe, a eu un énorme succès en Angleterre. Hein. C'est pas un groupe d'espace non plus parce qu'ils ont passé pas mal de trucs au Billboard, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très connus en Angleterre. J'ai pas grand chose à dire sur eux, franchement, donc je vous propose de passer tout de suite aux mentions honorables. Et on commence direct avec la magnifique Jocelyn Brown et son tube de 1982, Something Else Guy. Et on enchaîne avec Shalamar, sûrement un des plus grands groupes de disco du monde, qui en 78 sort A Night to Remember. Moi, je suis pas allé chercher loin, bien sûr. J'ai repris le grand classique qu'on nous sort à toutes les sauces. Hein. Je vais bien sûr parler de Earth, Wind & Fire avec Boogie Wonderland. Et un artiste dont on parle pas beaucoup quand on parle de disco, je vais bien sûr parler de Michael Jackson et Don't Stop Till You Get Enough. Et c'était les mentions honorables. Et je continue, bien sûr, avec et un morceau... Et non pas les mensurations honorables. Merci, merci. Très bien, très bon. Un morceau qui va rappeler des souvenirs aux plus vieux. Genre, vieux, c'est quel âge pour toi? Plus de 24 ans. Parce que, non, mais moi, ça. Si je dis 50 ans, mes parents ils vont faire la remarque. Donc, pour ça. Ah, ouais, les miens aussi. C'est l'heure de Tavares avec Heaven Must Be Missing an Angel. On s'écoute ça tout de suite. Alors un hit monumental à l'époque, hein, de 1976 par Tavares, hein, les frères Tavares, hein, The Gomez, Tavares Brothers. Gomez et Tavares. Exactement, avec bisous à eux. Il y avait Tommy Bugsy et Titov dans le groupe à l'époque. Ah, d'ailleurs. Excellent. Ouais, donc Heaven Must Be Missing an Angel, un morceau écrit et produit par Mr. Freddy Perren, hein, monsieur disco des années 70, hein, celui qui a bossé avec Gloria Gaynor sur I Will Survive et tout. Donc voilà, il a pas mal bossé avec le Jackson 5 aussi à l'époque. Voilà. Donc pas grand chose sur ce morceau de notable, peut-être la reprise des Words Apart, je dis ça, je dis rien. Hein, allez, sûr. Balance. Donc tu sais bien que les reprises pourries, hein, de toute façon c'est mon péché mignon. Voilà, il faut justement, voilà, justement aussi Tavares a eu un autre grand succès, More Than a Woman. Voilà, un morceau qui figurera lui aussi dans la soundtrack de La Fièvre du Samedi Soir. Hein. Et j'aimerais revenir sur cette période de 76, 77, 78. C'est un peu une période charnière, tu vois. Il y a eu la sortie de Saturday Night Fever, hein, qui va finir d'asseoir la domination du disco aux États-Unis. Complètement. Voilà, c'est un film qui représente la merveille, la génération disco. Même si, paradoxalement, dans le film, il n'y a que trois passages vraiment où, dans une discothèque, enfin dans un nightclub où ça danse vraiment. Mais voilà. Quel passage ! Voilà, les pantalons pas de def, les petits cols pelatart, tu vois, j'aime bien, moi. Voilà, et aussi, le film retranscrit assez bien la vie et les problèmes de toute une génération, la jeunesse perdue, en quête d'identité, tous les problèmes de racisme, d'homophobie, avec la liberté aussi sexuelle à l'époque, l'insouciance pré-sida, tu vois, le sida arrive dans ces années-là, tu vois. Donc il y a toute une insouciance liée au sexe, voilà. Donc ça reste un grand, grand classique. En fait, classique. C'était le moment béni entre la banalisation de la pilule contraceptive et voilà. Le début du sida. Voilà, alors voilà. Là, c'était un peu free. Moi, je vais enchaîner avec un truc un peu plus récent au niveau de la disco, bien sûr, hein, puisqu'il est sorti en 2002 et c'est aussi le générique d'un super dessin animé. Let's Boogie de DJ Abdel. On s'écoute ça tout de suite. Through, but right now we dance. DJ, play that groove again. Funky Cop, c'est un dessin animé que pas mal de gens de la génération des gens nés en 90 connaissent. Ça passait à la télé bien. Le matin, ouais. Et avec le recul, parce qu'on s'en rend pas forcément compte quand on est gamin. C'est un peu l'arme fatale, mais appliquée au disco. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et les références, en fait, sont assez géniales. Hein, et ça m'étonne pas que tu parles de l'arme fatale. En fait, c'était l'histoire de deux flics qui étaient nuls. C'était un peu... Le slogan, je crois que c'était genre... Fame of Disco, Shame of Frisco. Donc tu vois, c'était ouais. Parce que ça se passe à San Francisco dans les 70s. Et ils sont en parallèle d'être deux flics, deux mecs super classe de la scène disco. Hein, ils vont danser comme des dieux dans les nightclubs le soir et tout. Du coup, ils sont un peu connus. En fait, c'est un hommage à toutes les séries des années 70 et aux films de blaxploitation avec, vous savez, les blacks qui faisaient du karaté là, et qui étaient les personnages principaux, les sidekicks qui mouraient à chaque fois. Dans le premier épisode, par exemple, hein, vous pouvez croiser Starsky Hutch ou alors les Dukes du comté de Hazard de Sheriff et Whopper. Vraiment comme ça, mais c'est des petits plans très rapides et ils le disent pas qu'ils sont Starsky Hutch, mais voilà, quand vous avez les références, vous reconnaissez direct. Et puis, il y a la musique. Hein. La BO, elle est faite par DJ Abdel et Busta Funk, c'est eux qui font le morceau qu'on vient d'écouter juste avant. Et on retrouve dessus Barry White, Curtis Blow, Rolls Royce et plein d'originaux hein, dont les Widgies, c'est un espèce de groupe fictif qui ressemble aux Bee Gees et qu'on fait des trucs vraiment géniaux. On va s'écouter un petit extrait maintenant. Et puis le générique Let's Boogie qu'on vient d'écouter qui est quand même génial. Donc je vous conseille fortement la série, hein, ne serait-ce qu'un épisode. En plus, ils sont tous dispo sur YouTube, vous aurez tant oui, de... Oui. En plus, il y a des voitures magnifiques, il y a tant comme à l'époque, il y a la Pontiac Rouge, par exemple, il y a de l'alcool, ce qui est assez rare quand même pour un dessin animé pour les gosses, de l'alcool. Et il y a plein de filles super sexy aussi. Ouais, ouais. Genre, les filles, elles sont toutes habillées, genre, vraiment super sexy. Ah, donc, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas vu de dessin animé, moi. Ouais, bah c'est bien marrant, quoi. Et puis, il y a aussi des gangs de méchants et tout ça. Donc voilà, Funky Cops, un truc à redécouvrir avec des yeux d'adulte qui vaut vraiment la peine. On ne pouvait pas parler de disco, de funk, sans évoquer bien sûr Donna Summer, bien sûr. J'ai souvent regardé pour préparer cette émission des top 10 des meilleures chansons disco. Topito, le 9 va vous étonner. Ouais, voilà, donc dans les trois meilleurs morceaux, systématiquement, t'en avais 3 de Donna Summer. C'est pour dire un petit peu l'influence de la dame dans le disco. Voilà. On va s'écouter bien sûr Hot Stuff de Donna Summer. un grand classique, hein, Donna Summer. Un morceau de 79 assez remarqué à l'époque parce que, outre son rythme disco, il y a quelques petites touches de rock. Je sais pas si t'entends le petit riff de guitare, et même il y a un solo de guitare, un solo de Jeff Baxter, justement un ancien de Steely Dan. Est-ce que Steely tu te rappelles Dan, de Steely bah, c'est Dan un guitariste connu. Ouais. Enfin, moi je crois que c'était un mec en fait, mais pas du tout. Et c'est ça. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up your tears? Hot Stuff, c'est également produit par Giorgio Moroder, hein, un des pionniers, même monsieur disco italien. Voilà, toute cette parce qu'il y a toute une scène new disco italienne dont on n'a pas parlé, mais on pourrait vraiment en parler beaucoup. Encore beaucoup de choses à défricher. Plein de synthé et tout. Il y a aussi sur le dernier Daft Punk, un morceau qui lui est consacré exclusivement à Giorgio Moroder, où il revient sur sa vie. C'est une grande influence pour eux. Donna Summer, ça reste aussi une des grandes reines du disco, hein, Donna Summer. C'est également ce fantasme érotique de l'aveu de nombreux fans, hein, avec la chanson « Love to love you, baby ». Et ce côté provocant de ce morceau, ça avait fait bondir les puritains américains de l'époque, parce que voilà, il y a des gémissements, il y a une petite voix suave et tout, et ça, ils n'ont pas apprécié. Mais malheureusement, fin des années 80, les excès, hein, les antidépresseurs qui ont raison de Donna Summer. Elle perd aussi le soutien de toute la communauté gay, parce qu'elle était l'égérie de la communauté gay à l'époque, parce qu'elle aurait soi-disant parlé du sida comme d'une punition divine, donc voilà, elle aurait apparemment dit ça. J'ai pas retrouvé vraiment d'article ou qui revenait sur cette affaire-là. Donc grosse traversée du désert dans les années 90, et il y a une guêpe qui est en train de m'énerver là. Je croyais que tu me disais c'est à toi bientôt, c'est la guêpe. Elle profite du retour aussi, un petit peu de cette vague retour disco du début des années 2000, un petit revival disco. Elle en profite, puis elle va mourir d'un cancer du poumon en 2012. Mais moi, si j'adore ce morceau, c'est pour une raison. Une seule raison, c'est cet excellent film de 97 de Full Monty, voilà. Ouh. Et cette scène incroyable où il y a les quatre protagonistes qui sont en train de faire la queue au Pôle emploi. Et ils commencent à faire la chorégraphie comme ça, en toute discrétion. C'est alors une scène magnifique. Alors que la musique passe dans les transistors. Voilà, c'est une scène magnifique. Et je te laisse la parole. Bon, moi c'est mon dernier morceau et du coup, vous savez, on s'écoute ça, on aime bien vous faire découvrir des choses et tout. Alors j'ai décidé de prendre un petit truc un peu obscur, hein, pour finir. Je sais pas si vous connaissez Miss You par les Rolling Stones. Donc voilà, moi j'ai découvert ça vraiment en préparant l'émission. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Un petit groupe de Londres. Voilà, on s'écoute ça tout de suite, je vous laisse juger. Mais les Beatles c'est mieux. I won't softly into the street. Asking Pete, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say, le seul essai disco des Stones, en fait, selon Keith Richards. Oui, on est les Stones, on bouffe à tous les râteliers, on fait du disco. Là, là. Selon Keith Richards, Jagger, il avait entendu ça en boîte et c'est un nouveau son, tu vois. Il avait adoré. Bon, après, Keith Richards se fout bien de sa gueule aussi, c'est dans son autobiographie. Bon, après, ses souvenirs sont sûrement peut-être un peu biaisés par la consommation de coke médicinale et d'héro. Enfin, il peut se moquer, mais le morceau a eu quand même un putain de succès quand même. On est en 78 quand l'album sort, un tout petit peu avant l'album Some Girls, qui est un très bon disque au passage, hein, qui renferme cette pépite qu'on appelle Beast of Burden. Et en 78, ce qui cartonne, c'est le punk. En marge du disco, c'est le punk. Le truc pas commercial, le truc underground, le truc que les groupes de rock doivent faire, c'est de la contestation, c'est y aller. Même si, j'avoue, en 78, le punk commence un petit peu à s'essouffler, et on va entrer dans l'ère du post-punk, hein, où les Rolling Stones sont des bons gros vieux voir dinosaures. Voir notre émission sur le post-punk. Voilà, voir notre émission sur Paul Pen. Je vous fais un petit hyperlien auditif. Donc c'est assez marrant, hein, que pour annoncer leur nouvel album, ils sortent un putain de tube disco super commercial. Mais deux choses, on va la faire à la youtubeur, deux choses. D'abord première chose. Petite 1. D'abord, la mélodie est super cool, on dira ce qu'on voudra, mais il y a vraiment un truc qui se passe dans cette chanson, hein, même par rapport à tout ce que vous avez écouté tout à l'heure. Quitte à faire du disco, là, tout est absolument parfait. Hein. La basse est énorme, Bill Wyman s'est pas mal entraîné d'ailleurs pour arriver à ce son-là, puisque au départ, Jagger l'avait composé avec le mec qui faisait du piano dans le groupe, dont j'ai oublié le nom. Monsieur Piano. Monsieur Jean-Louis Piano. Et Monsieur Jean-Louis Piano avait joué de la basse aussi, donc voilà, et Bill Wyman s'était vachement entraîné pour imiter ça. Et même l'harmonica est cool. Est-ce que vous avez entendu de l'harmonica dans cette émission sur la disco juste avant? Non. Non, alors que là, il y a de l'harmonica, et c'est super cool. Petit 2, c'est leur dernier numéro 1 aux USA. Et les Stones, c'est quand même une machine, un groupe de légende. Et un numéro 1 aux USA, c'était le Graal de ouf à l'époque. Hein. Le dernier immense hit de leur carrière. En tout cas, le mieux vendu, puisqu'on se souvient de Start Me Up. Après, ils ont quand même sorti des petits trucs qui ont un peu marché. Mais c'est leur dernier gros numéro 1 au Billboard. Et puis, juste après ce hit-là, ils ont sorti When the Whips Come Down, qui était beaucoup plus dans l'air du temps, dans le côté contestataire et tout ça. On rajoute une grosse fuzz ou un truc comme ça à la guitare et on a presque une chanson. Oui, oui, mais de toute façon, la fuzz, ça a toujours été contestataire. Ouais, y a de la fuzz dans un morceau, c'est Satisfaction. C'est la fin de cette émission. Hein. Merci de votre écoute, merci de votre patience, surtout. Voilà, on essaie de revenir bientôt. Hein. On essaie de pas faire un mois et demi de hiatus comme la dernière fois. Bah, non, du coup, bien. Là, non, on va pouvoir faire ça plus. Parce que les partiels sont presque finis. On est encore des étudiants. Bref, un petit thème dans les cartons pour la prochaine fois. Je t'avoue qu'il y a un truc qui me fera vraiment plaisir. C'est les mashups. Voilà, les mashups. C'est lancé. Moi, c'est les mashups. Mais bon, après, on en discutera après l'émission. Bref, c'est le dernier morceau. C'est moi qui m'en charge. Alors, on est parti à Philadelphie, aux États-Unis. On est parti légèrement avec Rick James. Rick James, on est parti à Toronto, au Canada. Et là, je te propose d'aller à Vitry-sur-Seine, en France. Ah, au Canada. Voilà, avec Céron et Supernature. Hein. Donc, tu remarqueras que pour une fois, c'est moi qui mets le morceau français. Oui, c'est toi qui remplis le quota, c'est rare. Ouais, c'est moi qui remplis le quota pour une fois. Et alors, c'est pas que j'aime ce morceau, mais je sais pas, il est kitschissime. Il a une petite mélodie qui accroche, voilà, ça me plaît. Donc, Marc Céron, est-ce que tu connais Marc Céron avant d'écouter le morceau? C'est un petit peu. On parlait de Giorgio Moroder tout à l'heure. Bon, c'est un peu notre Giorgio Moroder à nous. C'est un petit peu ça, voilà, il est français, comme quoi ça arrive, hein, des Français qui font du disco. Hein. Il se lance dans le disco au milieu des années 77, qui sort Supernature, hein, le morceau que vous allez entendre, son morceau le plus connu d'ailleurs. Et donc Céron, tu sens qu'il a bien compris que le disco ça allait pas durer des décennies, tu vois. Alors entre 76 et on va dire 81-82, quand ça commence vraiment à péricliter. Il a fait genre 8 albums à fond, tu vois, à fond les ballons. Il a bien compris. Oui, c'était un super gros bosseur. Hein. Bah, on n'en a pas parlé aussi, mais on sent que dans la disco, tu sentais que c'était une période assez circonscrite et que t'as beaucoup de gens qui ont fait de la merde. Franchement, j'ai écouté, pour préparer l'émission, j'ai écouté beaucoup de morceaux de merde aussi. Des morceaux pas terribles. Ah oui, moi aussi, genre Chemise, She Can't Love You. Bon, ouais, c'est pas ouf. Donc tu sens que voilà, il y a une chier de morceaux qui sont pas franchement ouf, juste pour remplir, tu vois, pour faire un peu de pognon. Mais bon, voilà. Une fois la disco finie, il a eu un petit peu de mal, hein, Céron, à se défaire de son étiquette disco. Mais en même temps, c'est normal quand t'as un morceau qui est autant ancré dans un style musical. Fin 90, début 2000, ça remarche un peu pour lui. Il a sorti des albums qui n'ont pas trop mal marché. Mais voilà, c'est juste pour revenir un petit peu sur le disco français. Hein. Pour ceux qui veulent des noms, on peut bien évidemment citer Claude François, d'une certaine manière. Bah, il s'est inspiré, en Alexandrie, fait, Alexandra, de ce genre de truc. Voilà. Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Qui a sorti Born to Be Alive en Italie parce que personne ne voulait de lui en France. Exactement. Et Otawan, hein, disco, haut les mains. Voilà, haut les mains, voilà, ça va plaire à Pim Pam Boum. Et donc, on termine avec Céron. Si je puis juste me permettre, il y a une super émission très profonde et très intéressante sur Energy 12 qui s'appelle Tellement Vrai. Et il y a un épisode avec le fils de Céron qui essaie de percer dans la musique. Donc, si vous avez du temps à perdre, je sais pas, vous pouvez aller voir ça. Ça fait plaisir. On termine donc avec Céron, Super Nature. Et on vous dit au revoir. À bientôt.